Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Ce Nom Actu, la radio de la mission locale de Haute-Garonne. Aujourd'hui dans l'émission Parlons des femmes, nous évoquerons le sujet des violences conjugales. On donne tout de suite la parole à Rania, journaliste spécialiste des violences faites aux femmes. Rania nous rappelle les faits d'actualité sur cette thématique. Bonjour Rania, tu es avec nous dans l'émission Parlons des femmes et tu vas revenir sur un fait d'actualité marquant. Oui, bonjour Dounia, bonjour à toutes et à toutes. Oui, en effet, un homme a été condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir menacé la mère de ses enfants avec une tronçonneuse à Cambo-les-Bains, près de Bayonne, en août dernier. Cet homme, connu pour des faits de violence, a déjà été condamné à 16 reprises par la justice. Pourtant, il a tout de même justifié son geste en disant, je cite, que sa femme lui pourrissait sa vie. Un fait divers supplémentaire qui vient s'ajouter aux nombreuses agressions dont les femmes sont victimes au sein de leur couple. En réaction à ces violences, beaucoup trop répandues dans la société, la secrétaire d'État en charge des droits des femmes, Elisabeth Moreno, a mis en place, vendredi 25 septembre, un système de bracelets anti-rapprochement pour protéger et géolocaliser les femmes victimes en danger. Dounia nous en dira un peu plus sur ce sujet tout à l'heure. Merci Rania de ta participation. Je laisse maintenant la parole à Ahlem, avocate qui défend des femmes victimes de violences. Bonjour Ahlem, peux-tu nous dire ce que dit la loi sur les violences faites aux femmes ? Bonjour à tous. Les violences conjugales sont des violences commises au sein du couple et sont interdites par la loi française, qu'elles touchent une femme ou un homme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. La victime de violences conjugales qui signale les faits peut bénéficier de nombreuses mesures de protection de la part des institutions publiques et des associations. Ces mesures pouvant même s'étendre aux enfants. Une personne qui a commis des violences physiques sur son conjoint risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende, selon la loi française. La violence conjugale est un problème de santé publique. Elle concerne une femme sur 10 en France, soit une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son mari. Merci Ahlem de nous avoir présenté ces informations éclairantes. Tout de suite, dans Parlons des femmes, j'aimerais rappeler les mesures mises en place contre les violences conjugales. Dans un premier temps, d'après le site Service Public, a été mis en place un dispositif de bracelet anti-rapprochement. Ces bracelets permettent de géolocaliser le conjoint ou l'ex-conjoint violent et de déclencher un système d'alerte lorsqu'il se rapproche de la personne protégée au-delà d'un périmètre défini par le juge. S'il se rapproche de la limite, il est immédiatement contacté par une plateforme de téléassistance. S'il ne répond pas ou ne rebrousse pas chemin, les forces de l'ordre sont alertées. La personne protégée dispose d'un boîtier qu'elle doit toujours garder avec elle et qui lui permet d'être elle aussi géolocalisée. Elle peut contacter directement le téléopérateur à tout moment. Dans un second temps, selon le lien social.com, on s'aperçoit que les victimes sont de plus en plus accompagnées. L'objectif est donc que les personnes victimes arrivent à se sortir des violences conjugales. De plus en plus d'associations contre les violences conjugales sont créées. Leur but est d'accompagner les femmes victimes de violences à travers l'écoute, le soutien, l'information, l'orientation et l'accès à un hébergement d'urgence ou de stabilisation si nécessaire. Pour finir, d'après France Bleu, la prise de plainte est de plus en plus facilitée pour les victimes. Par exemple, les victimes peuvent déposer plainte directement lorsqu'elles sont prises en charge à l'hôpital. Elles ne sont plus obligées de se déplacer au commissariat. Cela permet de prendre moins de risques. Les associations permettent notamment, grâce à leur dispositif d'accompagnement, et de donner du courage et de la force aux femmes pour porter plainte. Il y a également un numéro de téléphone disponible 24h sur 24 pour faciliter les dépôts de plainte. C'est un lien direct qui permet aux victimes d'être aiguillées et accompagnées dès leur sortie de l'hôpital. Les réseaux sociaux permettent d'entrer en contact avec les victimes et de les épauler. Ils permettent de publier des photographies, des vidéos de femmes qui témoignent des violences qu'elles subissent dans le but d'alerter l'opinion publique et de nous sensibiliser tous sur l'existence de ce phénomène. Bonjour à tous. Selon le magazine Elle, les hommes violents ressemblent à monsieur tout le monde. En effet, les apparences données par les auteurs de violences sont trompeuses, selon la Fédération nationale Solidarité Femmes. Ils présentent souvent deux visages, agréables dans la vie sociale, séducteurs, jaloux, méprisants, tortionnaires à la maison. Il n'existe pas de profil type d'auteur de violence. En revanche, dans 96% des cas, il est le mari ou le concubin de la victime. Il a le plus souvent entre 30 et 49 ans. Mais 32,2% des auteurs ont plus de 50 ans. Par ailleurs, ils sont 66% à avoir un emploi. Toutes les classes sociales sont concernées, contrairement aux préjugés. D'ailleurs, les enfants sont les victimes collatérales de ces violences physiques et psychologiques. Merci Kevin d'avoir abordé pour nous cet angle particulier de ce problème. Merci à toute la rédaction de l'émission Parlons des femmes d'avoir préparé cette émission. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous espérons vous avoir éclairé sur ce sujet d'actualité que sont les violences conjugales. D'ailleurs, si vous êtes vous-même victime ou témoin de ce type de violence, vous pouvez appeler le 3919 en toute sécurité. Nous vous souhaitons une belle journée à l'écoute de Selon Actu, la radio des jeunes de la mission locale des Hautes-Garonne. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur Selon Actu. Vous écoutez Un œil sur le monde, l'émission de la rédaction des jeunes de la mission locale des Hautes-Garonne qui décrypte avec vous l'actualité. Je suis Sinem et avec mon équipe d'apprentis journalistes, nous allons revenir sur un sujet qui fait l'actualité, la situation des Ouïghours en Chine. Cette population, selon de nombreuses sources concordantes, subit une répression sans précédent de la part des autorités chinoises. Ma collègue Dounia est avec nous dans L'œil sur le monde. Bonjour Dounia. Avant de revenir sur les faits d'actualité, peux-tu nous en dire plus sur ce peuple dont on ne savait pas grand-chose il y a encore quelques mois ? En effet, Sinem, les Ouïghours sont un peuple turcophone et à majorité musulmane sunnite. Ils sont environ 12 millions habitant la région autonome ouïghour du Xinjiang. Leur population est estimée autour de 25 millions de personnes en Asie centrale. Mais pourquoi leur situation interpelle la communauté internationale ? Depuis 2001, les Ouïghours sont victimes d'une féroce répression orchestrée par les autorités chinoises. Cette minorité musulmane, dans une Chine officiellement communiste et laïque, ils payent le prix de la lutte de Pékin contre le terrorisme islamiste. En plus des atteintes portées à la langue, au patrimoine ou aux traditions religieuses des Ouïghours, selon de nombreuses ONG et observateurs, la Chine détiendrait plus d'1 million de Ouïghours dans plus d'une centaine de camps d'internement. Des exactions de masse seraient commises dans ces camps, comme par exemple du travail forcé, mais aussi des stérilisations forcées de femmes. Les Ouïghours internés n'ont pas le droit de rentrer en contact avec l'extérieur et tous leurs faits et gestes seraient filmés. Mes sources d'information sont le journal Libération, Arte et Wikipédia. Merci Dounia pour ces informations inquiétantes. Tout de suite, je vais vous parler des réactions internationales face aux exactions chinoises que Dounia vient de décrire. Les États-Unis, comme d'autres pays occidentaux et de nombreuses organisations internationales, accusent la Chine de mener des persécutions à grande échelle. L'Union européenne propose à la Chine l'envoi d'observateurs indépendants, ce qui avait été déjà le cas dans le passé car l'Union européenne juge les mesures chinoises disproportionnées. La Chine dément et parle de centres de formation professionnelle et de lutte légitime contre le terrorisme. De plus, beaucoup se demandent pourquoi les dirigeants des pays musulmans ne réagissent pas face à ces persécutions. Selon TV5 Monde, la présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe déclare que certains pays iraient même jusqu'à approuver ces actes pour pouvoir préserver leurs relations avec la Chine. Mes sources d'information sont 20 minutes, Arte et TV5 Monde. Vous êtes toujours à l'écoute d'Un œil sur le monde sur Selon Actu. On reçoit sur notre plateau Angelina, qui elle s'est plutôt intéressée aux réactions de l'opinion publique face à la gravité de cette situation. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des réactions sur les réseaux sociaux pour soutenir les Ouïghours. Vous avez sûrement remarqué ces derniers temps des photos de profil ou d'autres, des posts au fond bleu. C'est pour soutenir les Ouïghours et pour essayer de sensibiliser le plus de personnes possible et pour que les gens soient informés sur ce qui se passe dans le Xinjiang. C'est le député européen Raphaël Glucksmann qui est à l'origine de cette mobilisation. Les internautes appellent également au boycott de certaines marques telles Adidas, Lacoste ou Nike, car selon certaines ONG, les Ouïghours détenus dans ces camps seraient contraints de produire des vêtements pour ces marques. En plus du hashtag FreeWeGour qui devient viral sur les réseaux sociaux, d'autres actions sont proposées pour soutenir les Ouïghours, comme l'impression et la distribution de tracts, l'envoi massif de mails à l'ambassade de Chine ou encore la proposition faite au maire de signer une charte de solidarité. Mes sources d'information sont Libération Capitale et Wikipédia. Merci Angelina. Merci à toute la rédaction d'Un œil sur le monde d'avoir participé à cette émission. Nous espérons vous avoir éclairé sur la situation des Ouïghours en Chine. Comme nous avons pu le constater, en préparant cette émission, il est très important de bien s'informer pour ne pas tomber dans les pièges des fake news. Car même avec des bonnes intentions, nous pouvons colporter des fausses informations. Pour éviter de participer à la désinformation sur les réseaux sociaux, il suffit juste de suivre ces règles applicables au quotidien. D'abord, il faut vérifier la nature du site où on l'a trouvé l'info. Les onglets mentions légales ou à propos sont faits pour cela, alors utilisez-les. Ensuite, il faut vérifier l'identité de l'auteur de l'information. Est-il journaliste spécialiste du sujet qu'il aborde? Et puis, quel est son objectif? Nous informer ou nous manipuler? Il est important de déterminer l'objectif de l'auteur. Et puis, autre élément essentiel, regardez la date de publication de l'info. De nos jours, une info est rapidement périmée. Enfin, les sources de l'information sont primordiales. Une information doit toujours être validée par 3 sources différentes avant d'être diffusée. 3 témoins, spécialistes ou journalistes, qui disent la même chose sur un même sujet. Si vous n'arrivez pas à trouver les sources et si l'information n'est pas reprise par d'autres sites fiables, c'est louche, passez votre chemin. Et puis surtout, il faut toujours se poser les bonnes questions, chercher, être curieux et douter. L'esprit critique, l'arme la plus efficace que nous avons tous contre les fausses informations et les théories du complot. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt sur Arsenal Actu.